Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés de l'Aspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 5. L'Aconide, qui était apparu au visiophone, les accueillit dans le vaste poste de navigation du vaisseau fantôme. Pendant quelques instants, muet, il les dévisagea, ses yeux durs les jaugeant avec acuité. Il tiqua visiblement en constatant qu'Arx était armé de pied en cap et il faillit dire quelque chose. Mais il se ravisa et se détendit. Ses lèvres minces s'écartèrent en un sourire un peu forcé et il leur tendit la main. « Seigneur Corlan, commandant du Boss alors, soyez les bienvenus à bord. » Mazas Pavel, agent de l'EMU, en rupture de banc. Et Arx, un ami très cher et très susceptible. L'Antilan se contenta de lever un de ses pseudopodes en guise de salut. Une partie de sa couronne d'yeux continuait à surveiller les deux lourds qui n'avaient visiblement toujours pas digéré la leçon de politesse qu'ils avaient reçue à bord du vaisseau d'Eldorado. Appuyés contre la paroi de la salle de commandement, de part et d'autre de la porte, ils braquaient leur regard sur la jeune femme. Pas besoin d'être devin pour savoir ce qu'il pensait et espérait. Mais, heureusement pour la Kersatienne, pour l'instant du moins, les dirigeants de l'Aspar avaient besoin d'elle, sinon ils n'auraient pas déployé tous ces efforts pour la faire évader d'OMU 17 au risque d'égrayer Nero Stenberg. Merci pour votre aide. J'aurais eu du mal à quitter la base où j'étais consigné sans l'intervention du capitaine Stenberg et de ses acolytes. Mais comme je ne suis pas tombé de la dernière pluie, et qu'il y a belle lurette que je ne crois plus à la philanthropie, je voudrais savoir ce que vous attendez de moi. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Pour réussir à pirater un vaisseau de l'astromarine et un prototype de surcroît, il faut disposer d'une organisation très performante. C'est pourquoi je crois que vous avez fait d'une pierre deux coups. D'abord, le vol de l'astronef, auquel vous avez adjoint mon évasion. Pas mal vu, mais pas dans le bon ordre. D'abord votre évasion. Et cerise sur le gâteau, l'arrivée d'un prototype. Nous avons évidemment sauté sur l'occasion. Autant mêler l'utile à l'agréable. Dans le cas présent, qui est l'utile et qui est l'agréable? Le natif du système bleu sourit brièvement et continua. Je vais vous mener jusqu'à la cabine du vénéré Ralgotal. Il désire s'entretenir avec vous. Qui est le vénéré Ralgotal? Responsable de la présente mission. Et accessoirement le numéro 3 de notre organisation. Qui est ? L'Aspar. Je suppose que vous en avez entendu parler. Ce n'est pas pour rien que je faisais partie de l'OMU. Et alors ? Si elle m'aide à retrouver mon frère et à prouver son innocence, elle n'aura pas de membre plus dévoué que moi. D'autant que le Lord Amiral Atlan m'a profondément déçu par son intransigeance rigide. J'ai pu constater à mes dépens que la reconnaissance n'est vraiment pas son point fort. Ravi de voir que vous en soyez rendu compte. Mais à présent, je vais vous demander de me suivre. Passant entre les deux lourds, l'Aconide quitta la centrale, précédant ses hôtes. L'émir, si tu es dans le coin, il va peut-être falloir que tu m'aides dans mon entrevue avec l'Anti. Ne sois pas inquiète. D'après ce que devient de lire dans l'esprit de l'Aconide, un type particulièrement désagréable par ailleurs, celui auprès duquel il vous conduit est un empathe. Je devrais pouvoir l'empêcher de deviner ce que tu es réellement. Rassuré par la réponse du mulot castor, c'est avec sérénité qu'elle pénétra dans la cabine monastique où les attendait Ralgotal. Le visage ascétique et les yeux brillants d'une flamme fanatique, enveloppé d'une sorte de chasuble blanche dont le capuchon lui recouvrait la tête, le prêtre de Baalol était assis derrière un bureau recouvert de documents où trônait un moniteur positronique. Dès qu'ils entrèrent, leur hôte s'aperçut que l'un de ses visiteurs était armé et, instinctivement, il s'entoura d'un champ d'énergie impénétrable. Puis, il les contempla fixement pendant quelques instants, utilisant ses sens paranormaux pour les sonder. Un bref éclair d'étonnement apparut dans son regard lorsqu'il tenta d'apprécier l'artilan, puis il s'adossa contre le dossier de son fauteuil. Ses lèvres, fines comme des lames de couteau, s'écartèrent sur ce qui se voulait être un sourire, et il les invita à s'asseoir. « Prenez place, afin que nous puissions faire connaissance. » Tandis qu'ils obtempéraient, le commandant du Boss alors intervint. « Si vous n'avez plus besoin de moi, vénéré... Ralgo Taal congédia Corlan d'un signe de la main, et la conide, faisant demi-tour, sortit de la cabine. Je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue à bord de ce vaisseau. Nous vous en remercions. J'ai eu l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à Corlan. Oh, Seigneur Corlan, il tient beaucoup à ce titre. Alors, si je puis me permettre un conseil, n'oubliez jamais de vous adresser à lui de cette manière. J'essaierai de m'en souvenir. Arch, je fiche pas mal des titres. J'ai peur que votre ami aille au-devant de gros ennuis. Et moi, je pense que les ennuis tomberaient sur celui qui lui en chercherait. Arx est le combattant le plus doué qu'il ne m'ait jamais été donné de rencontrer dans ma carrière aventureuse. Et je crains pour celui qui tenterait de s'attaquer à lui, fût-il aconite ou lourd. Vous montrez là une bien grande confiance en cet être qui reste par ailleurs assez énigmatique pour moi. Il est originaire d'Antilla, et c'est mon ami le plus dévoué. Avec lui, à mes côtés, je ne crains personne. Bel acte de foi. Mais, puisque nous en sommes au rayon des confidences, dites-moi donc ce qui vous a incité à rejoindre nos rangs. Rejoindre vos rangs? Comme vous y allez, vénéré, j'ai profité des propositions que me faisait le capitaine Nero Starnberg pour m'évader d'OMU-17, où le Lord Amiral Atlan avait jugé bon de m'assigner à résidence. Or, il me faut absolument aller sur Tarsis pour enquêter sur le soi-disant meurtre commis par mon frère. Un point, c'est tout, même si je vous serai toujours reconnaissant de ce que votre organisation a fait pour moi. Le fait que ce soit l'Aspar, entité inconnue, qui donne des maux de tête à votre Atlan, qui vous est aidé, ne vous pose-t-il pas problème? Premièrement, ce n'est pas mon Atlan. Deuxièmement, mon appartenance à l'OMU relève du passé. Le traitement que m'a appliqué son chef a définitivement rompu les liens qui m'attachaient à lui. Quand j'aurai réussi à retrouver Rick et à prouver son innocence, il sera toujours temps pour moi d'envisager un autre avenir. Vous êtes certaine que votre frère n'a pas commis ce meurtre? Évidemment, il s'agit forcément d'un coup monté. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Je connais bien Rick. Une lueur amusée apparut brièvement dans le regard froid du prêtre. Je ne suis pas sûr que cet argument soit suffisant pour convaincre les jurés. C'est possible, mais je voudrais savoir quand vous allez me conduire sur Tarsis. Oh là! Doucement, jeune femme. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Vous allez tout d'abord venir jusqu'à notre PC. Là, vous rencontrerez le triumvirat de notre organisation. Si vous êtes agréé, nous vous donnerons une mission et pendant que vous l'accomplirez, nous mettrons nos réseaux à la recherche de votre frère. À votre retour, vous recevrez le résultat de nos investigations. Cela ressemble un peu à du chantage, ou bien est-ce que je me trompe? Disons plutôt une incitation amicale. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Ralgo Taal esquissa un sourire sans chaleur en le regardant fixement, avant d'attarder ses yeux perçants sur l'antilan, nonchalamment levé au fond d'un des fauteuils dans un entrelac de pseudopodes. Puis, il se redressa. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Nous nous reverrons donc sur Plogan dans quelques jours. Plogan? Le monde de la spare. » Et les congédia d'un geste de la main. Eh bien, l'émir, je crois qu'on s'en est bien tiré. Oui. Cependant, je n'ai pas réussi à lire ses pensées pendant tout le temps où il a déployé le sang d'énergie qu'il a érivé lorsqu'il s'est aperçu qu'Arc s'était armé. Ce n'est que plus tard, quand il a été de nouveau en confiance et qu'il a abaissé sa garde, que j'ai pu à nouveau le sonder. Il n'a aucun soupçon à ton sujet, mais il est très intrigué par ton copain dont il n'arrive pas à cerner la personnalité. Ne sachant pas trop où aller, les deux amis reprirent le chemin de la centrale de navigation. À leur entrée, ils perçurent une certaine tension parmi les membres de l'équipage. Corlan était penché par-dessus l'épaule du radionavigateur et interrogeait ses divers instruments. « Que se passe-t-il ? » Laconide tourna la tête dans sa direction, visiblement mécontent d'être dérangé. Après quelques hésitations, il consentit à éclaircir sa lanterne. « Nous avons perdu le contact avec le vaisseau prototype. Carn Domati devait convoyer jusqu'à nos chantiers. » Vous craignez qu'il lui soit arrivé malheur ? Je ne vois pas d'autre explication. Alors, Majas et Arx ont eu beaucoup de chance de l'avoir quitté à temps. Si les yeux des occupants du poste de pilotage avaient été des radiants, nul doute que le natif d'Antilan aurait terminé sur le champ son existence à bord du Bossalor. Mais il n'en fallait plus pour l'impressionner. Il s'installa tranquillement au creux d'un fauteuil libre, aussi confortablement que le permettait son corps multipode. Toutefois, sa compagne, qui le connaissait bien, s'aperçut que l'extrémité de l'un de ses pseudopodes pendait négligemment à proximité du manche de sa hache de jet. Tranquille, peut-être, mais prêt à tout cependant. Pendant quelques instants, le pacha du vaisseau fantôme parut sur le point d'éclater. Par un gros effort sur lui-même, il reprit son sang-froid et énonça d'une voix calme. « Vous feriez mieux de quitter cet endroit où, d'ailleurs, vous n'avez rien à faire. »« Volontiers, si vous nous dites où aller. » Corlan désigna un de ses hommes. « Vramo va vous indiquer vos cabines, dans lesquelles je vous prierai de rester en attendant notre arrivée sur Plogan. » Mazas jeta un coup d'œil au personnage qui venait d'être nommé et s'étonna un peu de trouver un Iriaman dans l'entourage de Laconide. Ces humanoïdes, présumés descendants de colons arconides, ne quittaient pas souvent la planète Iriam dont ils étaient originaires. Mais elle en conclut qu'il devait s'agir de l'un de ses gardes du corps. L'être trapu, à la peau violette, hocha sa tête ovoïde et, d'un geste de son bras velu, les invita à le suivre. « Ok, allons-y. » approuva la jeune femme en donnant une tape d'encouragement sur l'arrière du crâne de l'octopode avant de lui emboîter le pas. Du haut de son 1m70, la Carzassienne dominait son guide d'une bonne tête et Arx fermait la marche sur trois de ses pseudopodes, les autres prêts à toute éventualité. Visiblement, l'Antilan se méfiait de son environnement. Mais sa méfiance n'était pas de mise et Vramo les conduisit sans incident jusqu'à deux cabines contiguës. Dès lors qu'il fut installé sur sa couchette, l'agent de l'OMU se concentra sur l'émir. 10 secondes plus tard, le mulot-castor faisait son apparition. Un doigt devant son museau, il l'incita au silence. Puis, il sortit un petit appareil d'une des poches pectorales de sa combinaison et l'activa, faisant s'éclairer un écran traversé horizontalement par une ligne verte. Lentement, il fit le tour de la pièce, le regard braqué sur son engin. Un sourire satisfait fait briller son unique incisive et il annonça « Il n'y a pas de micro. Cela tente à prouver qu'il ne se méfie pas de toi. » Elle approuva d'un signe de tête et demanda « L'émir, le vaisseau d'Eldorado, c'était toi ?»« Oui, mais pas de gaieté de cœur. Malheureusement, je ne pouvais pas laisser un prototype aux mains des vents de l'Aspar. Et à partir du moment où il prenait une direction différente de la planète Plogan, il n'y avait pas d'autre solution que de le faire sauter. Quant aux membres de l'équipage, il s'agissait de fiefs coquins aux mains pleines de sang. Il n'est pas dans mes habitudes de supprimer des vies humaines, mais dans le cas présent, je ne ferai pas de cauchemar. Avez-vous eu des difficultés à trouver une planque à bord du Bossalor ? Sur un vaisseau de cette taille, les coins et recoins ne manquent pas. En fait, nous sommes installés aux larves à bord d'une gazelle en réfection dans la soute auxiliaire. Ton copain Steve a même arrêté de râler. » La jeune femme esquissa un sourire. « Que comptes-tu faire lorsque nous atteindrons Plogan ?»« À vrai dire, je n'en sais rien. Va virer selon les circonstances. D'ailleurs, je n'aime pas trop que tout soit bien défini à l'avance. Ma vieille expérience m'a amené à constater trop souvent que c'est généralement dans ces cas-là que tout foire. » L'interphone, situé à la tête de la couchette, bourdonna, et la voix sèche de Corlan retentit. « Mazas Pavel, vous êtes prié de me rejoindre sur la passerelle de commandement avec votre compagnon. Nous allons nous poser sur Plogan dans moins d'une demi-heure. » La Carzassienne se redressa en souplesse, tendit le bras et appuya sur une touche avant de répondre. « Nous arrivons. » Sans un regard pour sa cabine, elle attrapa son sac et sortit dans le couloir pour aller frapper à la porte contiguë. L'octopode ouvrit et apparut sur le seuil, remontant sa ceinture d'armes au niveau de l'étranglement de son corps musculeux. « Ax, te suis !» Quelques minutes plus tard, les deux amis retrouvaient la conide debout à côté du pilote. Il les salua d'un bref signe de tête et reporta son attention sur les écrans d'approche où un soleil double éclairait un système de trois corps célestes. La jeune femme rejoignit le commandant du Bossalor, tandis que l'anti-lance s'appuyait contre une des cloisons, son multiple regard fixé sur les divers occupants du poste de navigation. La planète, but du voyage du vaisseau fantôme, semblait nimbée dans un voile ténu et translucide, traversé de brèves zébrures bleutées. Un écran défensif? Mais elle ne fit pas le moindre commentaire, se contentant d'observer le monde qui commençait à se découvrir sous ses yeux intéressés. Lorsque l'astronef eut franchi la barrière infrangible qui défendait son approche contre tout visiteur non désiré, Plogan finit par révéler sa coloration générale vert clair, ses deux océans aux multiples nuances de bleu, générées par les différences de profondeur. Le monde de l'Aspar présentait de nombreux points communs avec la bonne vieille Terre, telle qu'elle était avant de se retrouver couverte de béton. Des agglomérations de taille plus modeste étaient éparpillées au milieu d'immenses savanes ou de vastes étendues forestières. Certaines s'étendaient au bord de la mer. Un vrai petit paradis. Le vaisseau entama sa descente en direction de la capitale, unique mégapole de cette planète. Un gigantesque astroport était situé en dehors de la ville, relié à celle-ci par une route aux dimensions respectables. Lorsque les étançons entrèrent en contact avec le tarmac, Corlan se tourna vers la Carzassienne. « Vous voici arrivé à destination. Rolimont et Talmant vont vous accompagner jusqu'au logement qui vous a été affecté dans la cité antérieure. »« La cité antérieure ?» voulut savoir Mazas, qui avait légèrement grimacé en apprenant que les deux lourds étaient chargés de les convoyer. « Le cœur de la capitale. C'est là que siège le triumvirat, qui vous recevra d'ailleurs demain. » Il n'en dit pas plus, mais leur signifia leur congé d'un geste désinvolte de la main. Ulcérée par le mépris hautain de la conide, la jeune femme eut beaucoup de mal à tenir sa langue, mais elle se tut en croyant déceler un éclair amusé dans le multi-regard de son compagnon. Avec un haussement d'épaules et sans le moindre mot d'adieu, elle emboîta le pas à ses deux gigantesques guides, l'octopode fermant la marche. Lorsqu'ils furent parvenus à l'entrée du sas, ils aperçurent un complexe étendu de construction basse, dominé par une tour cylindrique évasée vers le haut. Un glisseur recouvert d'un dôme transparent se dirigeait vers le Bossalor. Le comité d'accueil? Le véhicule stoppa en bas de la passerelle élévatrice qui donnait accès au sas et un Hono, habillé d'une combinaison gris foncé, en descendit. Puis, il attendit que les visiteurs se dirigent vers lui. Mazas était un peu étonné de découvrir tant de races différentes parmi le microcosme de l'Aspar, mais il s'agissait en fait de peuples plutôt décadents et dont il devait être facile de s'attacher la fidélité. Dans le cas présent, l'être immense et décharné, sans doute un réprouvé en rupture de banc, occupait un poste subalterne que d'autres auraient sans nul doute refusé. Depuis l'intérieur du vaisseau, quelqu'un fit fonctionner la plateforme sur laquelle ils se tenaient. Ils atteignirent le sol en quelques secondes. Le chauffeur venu les chercher les salua respectueusement en marmonnant une formule de politesse dans sa langue abatardie, dans laquelle il était difficile de deviner de l'intergalacte. Mais Rolimon le repoussa dédaigneusement pour pénétrer dans le glisseur qui s'affaissa légèrement sous son poids, avant que sa positronique rudimentaire n'effectue un rééquilibrage automatique. Talman, d'un geste impérieux, les invita à s'installer à côté de la masse énorme de son compatriote. Puis, il les rejoignit à l'intérieur. Le trajet fut court. Ils atteignirent rapidement la tour cylindrique et leur véhicule stoppa devant une entrée immense flanquée de deux miradors hérissés d'armes lourdes. Rolimon éructa une phrase du code à l'attention de la sentinelle qui dirigeait négligemment le canon évasé de son désintégrateur en direction des visiteurs. Le militaire salua d'un geste à hauteur de sa tempe et s'effaça pour les laisser passer. Le glisseur reprit sa route le long d'un passage qui descendait en pente douce et s'arrêta dans une vaste halle où stationnaient de nombreux véhicules. Le Renault sortit pour ouvrir la porte de son engin. Précédé par Talman et poussé par son alter ego, la jeune femme et l'antilan mirent pied à terre. La ville est souterraine? Ça se voit, non? L'émir fronça les sourcils d'un air soucieux et ses lèvres se plissèrent en une moue inquiète. Rick Pavel, qui était assis contre la cloison de l'armurerie vide de la gazelle en réparation qui leur servait de refuge, l'interrogea du regard. Je me fais du souci pour ma face. En fondant l'esprit de Corlan, je viens de découvrir que le patron de la Spar est télépathe. Et je ne sais pas si je dois avertir ta sœur. Elle sera plus décontractée si elle l'ignore, mais je ne suis pas sûre de pouvoir agir assez efficacement sur ses pensées pour tromper un tel mutant. Pas de problème lorsqu'il s'agit d'un empathe, mais dans le cas présent, j'ai des doutes. Je crois que tu devrais la prévenir. Elle pourra ainsi s'efforcer de ne pas penser à nous pendant son entrevue. Avec un bon télépathe, cela ne sera pas suffisant. Alors, qu'est-ce que tu préconises? À présent que nous savons où se trouve la planète des conjurés de la Spar, nous pouvons essayer de filer et d'appeler la faute d'Olomu à la rescousse. Filer? Pour cela, il faudrait déjà mettre la main sur un engin le permettant. Nous avions prévu que le vaisseau dérobé sur OMU-17 nous mènerait jusqu'au monde secret de nos adversaires, ce qui a bien été le cas, et que nous nous en emparerions. Grâce à ces performances, nous aurions eu de bonnes chances de nous échapper. Mais voilà, notre plan a capoté. Je le sais bien. D'autre part, ce n'est pas parce que nous sommes arrivés sur Plogan que nous en connaissons les coordonnées. Ruth Black Bear intervint. Inutile de vous faire des nœuds au cerveau. On ne peut rien changer à ce qui est arrivé. Alors, on fera avec. Avec l'Indien, tout est toujours simple. Les lèvres du fleuron de la milice s'ouvrirent en un sourire qui découvrit son unique incisive. Ruth a raison. Inutile de se faire du souci par avance. Nous avirons selon les circonstances. Tu pourrais peut-être essayer de trouver un vaisseau dont nous pourrions nous emparer pour pouvoir filer d'ici. Tu sembles oublier que la planète est entourée d'un fang énervétique qui nécessite un code pour autoriser sa traversée. Alors, comment comptes-tu procéder? En lisant dans les pensées d'un navigateur? Non. Simplement en piratant un astronef qui a déjà le fameux code programmé dans sa positronique. Et tu sais où trouver cet oiseau rare? Nous sommes dessus. Quoi? Tu veux dire... Tu veux t'emparer du vaisseau fantôme? L'Ilt approuva d'un hochement de tête. C'est impossible! Il faut tout un équipage pour manœuvrer un tel engin. Je t'ai entendu dire à plusieurs reprises que tu étais capable de faire voler même un fer à repasser. C'est donc le moment de passer aux actes et de nous montrer ce que tu as dans le ventre. L'air ahuri et en même temps furibond du pilote déclencha les rires discrets de ses trois compagnons. Le milieu castor reprit son sérieux. En attendant, je pense que Rick a raison et qu'il faut que te prévienne Massas du danger qu'elle va devoir affronter lors de son entrevue avec le triumvirate. Je vais attendre qu'elle soit installée dans son logement pour lui rendre une petite visite. L'agent de l'OMU et son ami Antilan profitaient des profonds fauteuils de la salle de séjour de l'appartement qui avait été mis à leur disposition. D'un œil distrait, ils suivaient une vidéo sur l'organisation de la SPAR. L'apparition du triumvirat éveilla leur attention. Avisée la veille au soir par le mulot castor, la jeune femme contempla d'un air curieux les trois mystérieux personnages, deux antis et un aconide, en tentant de deviner lequel pouvait bien être télépathe. L'inquiétude la rongeait un peu, car elle ignorait si elle serait capable de tromper la vigilance de ses adversaires et de leur donner le change. Heureusement, la présence de l'émir à proximité la sécurisait, lui permettant de faire abstraction de ses appréhensions. Pourtant, celui-ci avait bien pris soin de lui rappeler que, malgré ses dons multiples, il n'était pas omnipotent. Mais sa confiance dans les capacités de Lilt était telle qu'elle était persuadée qu'il serait toujours la tirer d'affaire et la sortir de la pire des situations. Elle en était là de ses réflexions quand le vibreur de la porte d'entrée se manifesta. D'un mouvement souple, elle s'extirpa de son siège et alla ouvrir. Un épani, reconnaissable à ses yeux bridés et ses oreilles décollées, apparut sur le seuil, son corps fluet, précédant les énormes masses de relimons étalements. Bonjour. Vous allez être reçu par le triumvirat. Je dois vous amener dans la salle du conseil. Parfait, nous vous suivons. Et elle s'avança, Arx sur ses talons. Attendez. Qu'y a-t-il? Votre compagnon. Personne ne peut être armé en présence du triumvirat. Il faut donc qu'il laisse ici sa ceinture. L'octopode fit rapidement deux pas en arrière, tout en brandissant un radiant et sa hache de jet. Il gronda. Arx ne remettra pas ses armes. Les deux lourds braquèrent leurs fusils thermiques sur le couple d'un air menaçant. Massas tenta de calmer son ami et de le convaincre d'obtempérer. D'autant plus qu'elle n'ignorait pas que l'Antilan n'avait pas besoin de son arsenal pour se transformer en une impitoyable machine de guerre. L'être multipode finit par se rendre aux raisons de sa compagne. Manifestant une profonde répugnance, il dégrafa avec lenteur sa ceinture d'armes et la déposa avec regret sur la table basse. Arx est prêt! L'épani approuva d'un hochement de tête et fit demi-tour. Sans s'occuper de savoir s'il était suivi, il prit la tête de la petite troupe, les deux lourds fermant la marche. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le chapitre 5 de Massas Pavel, Les conjurés de l'Aspar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Massas Pavel, Christophe dans le rôle de Steven Mirersing, Ezwa dans le rôle de l'émir, Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Christian Martin dans le rôle de Ruth Blackbear, Eric dans le rôle de Corlan, Christian Martin dans le rôle de Ralgo Tahal, Gabriel Jean dans le rôle de Rolimon, Fred dans le rôle de Lépani, et Christian Martin dans le rôle de Arx et à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, No Derivatives et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio pour canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.